c'est pas donné à tout le monde. Je me suis fait violence et je ne le regrette pas. Je me suis fait violence et soudain tout est plus clair. Je me suis fait violence, j'allais pas rester comme ça. Je me suis fait violence et je me sens soulagé. Je me suis fait violence, franchement c'était pas gagné. Je me suis fait violence et franchement je me sens mieux. Je me suis fait violence avant de reprendre la route. Je me suis fait violence, c'était ça ou bien l'échec. Je me suis fait violence, il le fallait coûte que coûte. Je me suis fait violence, c'était pas du cinéma. Je suis fait violence, je suis amoureux, je crois. Je me suis fait violence, mais je me sens soulagé. Je me suis fait violence, franchement c'était pas gagné. Je me suis fait violence, même si personne ne me croit. Je me suis fait violence, je crois qu'elle a aimé ça.